Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment comprendre le succès de la notion de génie et sa diffusion au XVIIIe siècle malgré les difficultés de définition? Comment peut-on, dans la version élitiste du génie, minorer légitimement l'importance de la formation, demande le sociologue Pierre-Michel Menger. Pourquoi l'ambivalence des créateurs vis-à-vis de la formation? Comment génie et originalité, comme valeur absolue, s'articulent-ils? Quel est le marché et la démocratisation du génie? Le talent et le génie sont-ils le comble de l'individualisation? Pierre-Michel Menger, titulaire de la chaire Sociologie du travail créateur, nous entraîne sur plusieurs semaines dans une grande et passionnante enquête dans le cadre de la série de cours qu'il a initié en 2017 au Collège de France sous le titre « Qu'est-ce que le talent ? Élément de physique sociale des différences et des inégalités », série qu'il poursuivra en 2018. Lors de sa leçon inaugurale en 2014, Pierre-Michel Menger notait, et je le cite, avec l'expansion des mondes professionnels dans les arts et dans les sciences, la demande d'évaluation n'a pas cessé de croître. Qu'il s'agisse des personnes, des équipes ou des organisations, le nombre et la variété des comparaisons, des classements, des palmarès, des bibliométries et de toutes les espèces de métrologie ont progressé à un rythme plus rapide que la variété de la production offerte. Et les inégalités de rétribution matérielle et symbolique n'entendent rien diminuer. Le sociologue soulignait également que toutes les activités à réussite incertaine ne pratiquent pas avec la même intensité la spéculation sur le talent. C'est dans l'industrie du divertissement et dans celle des sports, les plus populaires, que les rendements à en espérer sont les plus élevés parce que les marchés sont les plus vastes. Les vainqueurs des comparaisons classantes y raflent les plus grosses mises et en font spectacle. Néanmoins, les activités créatrices les moins industrialisées ont aussi leur propre dispositif de consécration. La valeur de certains y est révélée plus progressivement, mais aussi plus durablement, ce qui constitue un bon indice du degré de contrôle exercé par une communauté professionnelle sur son système de concurrence et sur les garanties fournies pour légitimer ces évaluations. Et c'est bien ces mesures que nous retrouvons et cette compétition ce matin. Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 17 février 2017 pour le cours de Pierre-Michel Menger, La question du talent dans les arts et les industries créatives, suite et fin. Si des notions comme celles de talent ou de génie sont presque fonctionnellement impossibles à définir, en revanche, la diffusion d'une notion comme celle de génie au XVIIIe siècle et la nouvelle sémantique qu'elle contient peuvent constituer des faits à expliquer. Alors, je vais livrer ici quelques indications rapides, notamment en suivant, pour une part, le travail de Darren McMahon, que j'ai déjà cité dans son « Histoire du génie », pour mentionner quelques variables qui peuvent permettre de comprendre le succès de cette notion à cette époque-là. Alors, on peut citer l'assimilation de l'artiste, du savant et de l'homme de lettres à des héros de la bourgeoisie montante en tant que symbole d'un individualisme libre et émancipateur contre l'ordre social existant. J'en ai déjà parlé, je n'y reviens pas. On peut citer aussi le changement de le système d'activité des artistes avec le reflux progressif du mécénat aristocratique et princier et la transition vers l'économie de marché des biens littéraires et artistiques, la formation de publics consommateurs de biens et de spectacles et la rémunération du travail sur la base d'un droit personnel de propriété sur la vente et la diffusion des œuvres, ce qui requiert l'individualisation complète des contributions créatrices et une qualification juridique des critères de nouveauté et d'originalité. Moins cités sont des facteurs religieux, comme celui que j'ai déjà évoqué rapidement de la réforme protestante et sa version de la théorie de la grâce, et plus largement la diffusion de la philosophie des Lumières qui éloigne en quelque sorte la causalité divine des affaires du monde et qui consacre l'autonomie plus directement souveraine des individus. Évidemment, dans un univers sécularisé et progressivement désenchanté, le génie artistique peut incarner l'autofondation parfaite de l'humanité, son originalité, cette originalité qui est le terme si essentiel à la nouvelle sémantique du génie et qui signifie bien que l'individu reconnu remarquable défie les lois du monde à partir de lui-même et non à partir d'une origine supérieure, qu'il est l'origine de réalité émergente, ou pour parler comme Aristote, qui fait une célèbre distinction entre le monde lunaire et le monde sublunaire, c'est-à-dire notre Terre, que l'artiste peut s'employer à parachever la réalité sublunaire, celle de notre monde, qui n'obéit pas simplement aux lois de l'astrophysique et du mouvement des planètes, la réalité lunaire, prévisible pour des millénaires, mais qui doit compléter une création inachevée. Et on peut faire intervenir ici une idée chère à la philosophie romantique, d'ailleurs, que l'artiste est un intermédiaire entre une puissance responsable de la création du monde et de l'univers, les lois de la nature ou les lois divines, et le monde humain ordinaire, et que le génie prend en quelque sorte en charge l'invention du nouveau, l'exploration de l'inconnu, cette rivalité prométhéenne avec un dieu devenu absent ou un dieu qui est devenu un dieu caché. Bon, très bien, mais qu'est-ce que nous apprend cette nouvelle sémantique au juste sur les qualités qui sont associées à la réussite créatrice dans l'ordre propre des activités artistiques? Est-ce que c'est un simple jeu de langage pour parler comme Wittgenstein? Nous avions pu noter dans cette typologie que j'ai présentée antérieurement, une tension qui est constitutive de l'identité créatrice. Est-ce qu'il s'agit d'influences externes, d'un capital reçu en don de la nature, ou est-ce que c'est une affaire d'apprentissage et d'accumulation de travail qui sont façonnées par des conditions sociales et un environnement? La formation et la diffusion de la notion de génie au XVIIIe siècle ont considérablement amplifié cette tension. Et si je veux reprendre la définition de Michael Young, qui est associée à son concept de méritocratie, on peut dire que le génie, ça n'est pas talent plus effort comme la méritocratie, mais c'est talent plus originalité. Qu'est-ce que signifie au juste la notion d'originalité ? Avant le XVIIIe siècle, la théorie de l'imitation d'inspiration aristotélicienne et néo-aristotélicienne dominait la critique littéraire et la théorie de l'art, et quand elle était utilisée, notamment dans les écrits littéraires, la notion d'originalité n'introduisait pas de rupture avec le respect des règles et des modèles. Dans un discours sur l'art qui est écrit en plein XVIIIe siècle et où Joshua Reynolds cherche à défendre un modèle de création qui relève d'un régime antérieur, ce peintre fait encore l'éloge de l'emprunt au grand maître, qui est le seul moyen de devenir un maître soi-même dans sa profession. Donc, l'imitation basée sur l'emprunt au grand modèle, à titre de formation et de progression dans la pratique d'un art, loin d'être un plagiat servile, dit Reynolds, est une invention continuelle. Établir une différence entre imiter et emprunter pour développer sa faculté d'invention est un des indices des conflits qui se sont multipliés autour de la référence aux anciens. Je vous ai présenté antérieurement, la fois dernière, la toile de Chardin, le singe peintre, qui tourne en ridicule la révérence à l'égard des maîtres du passé. Vous vous souvenez que ce singe reproduit sur sa toile une statue antique qui prend elle-même l'apparence d'un singe. Il s'agissait ici pour Chardin, mais aussi pour Hogarth, qui a aussi dessiné un singe connaisseur, de récuser la vénération des maîtres du passé et de dénoncer la stupidité de l'imitation ou le mensonge sur lequel est fondée la réussite. Et là s'ouvre, entre les positions d'un Reynolds et celles d'un Hogarth ou d'un Chardin, qui sont des contemporains, s'ouvre le conflit et la brèche qui récuse rapidement le respect des modèles anciens pour revendiquer la valeur d'originalité. Alors, en simplifiant beaucoup l'histoire de cette notion, vous en retrouverez un tableau dans un livre de Roland Mortier qui s'appelle « L'originalité », qui a été écrit en 1982. On peut noter qu'avant le mouvement du Sturm und Drang en Allemagne, avec des contributions fameuses de Hamann, Sulzer et surtout Herder, au milieu du siècle, et qui ont été délibérément consacrés à ce couple de notions génie et originalité, ce sont surtout les essais dont j'ai déjà parlé de Edward Young et de quelques autres, Gerard, Duff, Wood, qui ont fait de l'Angleterre un foyer important de la réflexion sur l'originalité du génie au cours du XVIIIe siècle. Mais certainement, l'impulsion est venue des théoriciens de la littérature qui ont mis au point la nouvelle sémantique de l'originalité, et l'impulsion est venue de la rupture considérable qu'a introduite le théâtre de Shakespeare, qui ne pouvait plus être subsumé à aucun titre sous l'esthétique du respect des règles ou de l'imitation de modèles. Le grand nombre des écrits qui ont été consacrés à Shakespeare à cette époque-là passe pour avoir été le creuset de cette nouvelle alliance entre les valeurs de génie et d'originalité. Et en 1715, Alexander Pope, dans sa préface à une édition des œuvres de Shakespeare, écrivait « Si jamais un auteur a mérité le qualificatif d'original, c'est bien Shakespeare ». Mais c'est surtout, je l'ai dit, l'ouvrage de Edward Young, « Conjectures on Original Composition », publié en 1759, qui exerça l'influence la plus importante. « L'imitation simiesque, dit-il, détruit toute individualité mentale. » Les valeurs qui sont mises en avant dans cet essai et dans ceux qui lui sont contemporains ou qui lui succèdent sont ceux de la spontanéité créatrice, de l'inspiration, du pouvoir de l'imagination créatrice. Et donc, le vocabulaire de la création à ce moment-là ou de la force créative supplante celui de l'invention. L'invention est un mot, dans le contexte des arts, pas dans celui de la science, qui appartenait à la théorie de l'art et de la littérature depuis la Renaissance et qui empruntait d'ailleurs aux catégories aristotéliciennes de la rhétorique pour désigner une phase initiale qui est suivie de phases comme celle de la disposition puis de l'élaboration. Dans le changement sémantique qui intervient, ce sont donc les valeurs associées à la formation, mais aussi à tout ce travail d'élaboration ou d'apprentissage pour transformer une idée en quelque chose d'autre, qui sont minorées ou qui sont dévalorisées. On en trouverait presque un écho radical aujourd'hui, ou il y a quelques décennies, dans la position de Jean Dubuffet, qui fut l'inventeur de l'art brut, et qui est connu pour sa conception absolument radicale de la créativité, puisque Jean Dubuffet, après d'autres, mais en artiste et pas en médecin, a recherché dans la production, je veux dire pas en médecin comme Prinz Horn, a cherché dans la production des malades mentaux et des déficients mentaux totalement dépourvus de formation artistique et pourtant auteurs d'œuvres. Il a cherché et a collectionné, ça a été l'effort qu'a fait Prinz Horn, d'aller découvrir ces travaux-là, des malades mentaux, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont créé au juste. Eh bien, Jean Dubuffet a voulu découvrir dans leur travail ce qu'on pourrait appeler les quatre quartiers, non pas de noblesse, mais de noblesse créative ou de créativité, c'est-à-dire de créativité non contaminée par la culture. Un des essais célèbres de Jean Dubuffet s'appelle « Asphyxiante culture ». C'est ce qu'on peut appeler une version primitiviste du génie qui a cours, en fait, dès le XVIIIe siècle. Et même explicitement, chez des auteurs comme William Duff ou Adam Ferguson, et dans ses fictions anthropologiques qui cherchent, dans des périodes de faible développement de la culture, les traces de la plus pure forme de créativité. Ces conceptions des facteurs responsables de la réussite artistique ou littéraire, ou à certains égards scientifiques, exceptionnels, sont centrés, je l'ai déjà mentionné, sur un problème d'indéterminisme causal. Si le régime de création donne la priorité à l'originalité et à l'expression individuelle hors d'un cadre contraignant de référence canonique à des règles, alors celui qui manie au mieux l'originalité pour réaliser des œuvres supérieures est en quelque sorte à lui-même sa propre origine. C'est une forme de métonymie. Et c'est l'argument qui conduit Edward Young explicitement dans son essai dont j'ai parlé à écrire que le génie diffère d'un bon entendement, understanding, comme le magicien diffère du bon architecte. Ce qui nous mène tout droit à l'aporie de l'indéfinissable, comme l'écrit un auteur de 1791 cité par MacMahon, le génie est un terme trop complexe pour recevoir une définition normale ou précise. On peut évidemment aisément comprendre pourquoi une pensée rationaliste, qui se développe considérablement au XVIIe et plus encore au XVIIIe siècle, peut se défier de la violation du déterminisme causal contenu dans la théorie du génie original. Et c'est pourquoi une conception alternative a été avancée au cours de ce même siècle, 18e, mais cette conception n'a pas réussi à s'imposer. C'est ce que je pourrais appeler, comme je l'ai fait dans le cas de l'argument du talent, on pourrait appeler ça une version inclusive du génie. Au lieu de rester dans le flou, puisque le génie est une notion floue, mieux vaut recourir, dit cet argument, aux outils de la science et de la raison. C'est ce que pensent Hobbes, Locke, ou plus tard William Sharpe, qui est l'auteur d'une Dissertation upon Genius, qui date de 1755. Et du côté français, les philosophes Helvétius et Condillac, qui sont des philosophes du XVIIIe siècle. Et quel est l'argument? L'argument est que l'individu se construit progressivement et que rien ne permet d'établir des différences initiales radicalement séparatrices qui conféreraient à quelques-uns le génie ou le talent dès leur naissance. Helvétius intitule le troisième discours ou la troisième partie de son livre « De l'esprit ». Si l'esprit doit être considéré comme un don de la nature ou comme un effet de l'éducation, il pose la question. Il examine successivement si l'éducation ou des facultés telles que l'étendue de la mémoire ou la plus ou moins grande capacité d'attention et de concentration sont responsables des différences de réussite individuelle. Puisque des différences de réussite sont observées, il faut les imputer aux variations dans l'allocation de ces facteurs. L'éducation n'est pas un bien universellement accessible. Les différences d'éducation peuvent être responsables de ces écarts. La mémoire et l'attention sont diversement et sélectivement mobilisées en fonction des préférences des individus. Là aussi, ça peut être des sources de différenciation. Bref, la variabilité individuelle agit sur les chances de recevoir une éducation complète. Tout le monde n'a pas cette chance. Et sur des capacités de mémoire, d'attention, de concentration, alors même que à l'origine, elles sont normalement distribuées entre les individus, mais qu'elles sont inégalement activées en fonction de l'environnement dans lequel elles sont développées. Enfin et surtout, dans ses écrits d'Helvétius ou de Condillac, un thème établit le lien entre une conception égalitaire des dispositions et l'explication des réussites exceptionnelles. Plutôt que de les attribuer à des qualités personnelles, il faut faire parler l'étymologie, selon laquelle génie dérive, comme je cite ici Helvétius, de giniere, ginio, j'enfante, je produis. Il suppose toujours de l'invention, Helvétius tient à ce mot, et cette qualité est la seule qui appartienne à tous les génies différents. Or, l'invention, de quoi procède-t-elle? Eh bien, dit le philosophe, de deux facteurs, le hasard des intuitions, des rapprochements heureux d'idées, des rapports nouveaux aperçus entre certains objets. Ça, c'est une conception typiquement associationniste qui est issue de la philosophie des empiristes anglais tels que Locke. Mais l'invention procède aussi de la longue transmission générationnelle des pratiques, soit de science, soit de création artistique. Vous avez ici une citation de Helvétius qui est tirée du discours numéro 4 des différents noms donnés à l'esprit, chapitre 1 du génie. Et Helvétius écrit « Il faut observer que tout inventeur dans un art ou une science, qu'il tire pour ainsi dire du berceau, est toujours surpassé par l'homme d'esprit qui le suit dans la même carrière, et ce second par un troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que cet art ait fait un certain progrès. En est-on au point où ce même art peut recevoir le dernier degré de perfection, ou du moins le degré nécessaire pour en constater la perfection chez un peuple, alors celui qui la lui donne obtient le titre de génie sans avoir quelquefois avancé cet art dans une proportion plus grande que ne l'ont fait ceux qui l'ont précédé. Il ne suffit donc pas d'avoir du génie pour en avoir le titre. » Comme tout ça est joliment écrit. Depuis les tragédies de la passion jusqu'aux poètes Hardy et Rotrou, on a bien oublié, l'histoire est cruelle, et jusqu'à la Marianne de Tristan, le théâtre français acquiert successivement une infinité de degrés de perfection. Corneille naît dans un moment où la perfection qu'il ajoute à cet art doit faire époque. Corneille est un génie, en ce sens. Je ne prétends nullement par cette observation, évidemment, c'est la prétérition, diminuer la gloire de ce grand poète, mais prouver seulement, c'est fait, mais prouver seulement que la loi de continuité est toujours exactement observée, qu'il n'y a point de saut dans la nature. Aussi peut-on appliquer aux sciences l'observation faite sur l'art dramatique. On voit bien, en fait, que l'argumentation de Helvétius, notamment cet épaississement transindividuel de l'individu génial qui est inscrit dans une lignée, viole un principe constitutif du régime de création artistique qui est célébré au XVIIIe siècle et qui est directement associé à l'emploi du vocabulaire du génie, l'originalité de l'invention ou de la création. Helvétius ne retient qu'un vecteur de perfectionnement et pas un vecteur de différenciation horizontale. Il ne voit qu'une graduation verticale vers la perfection. Et ce mécanisme de différenciation horizontale par l'originalité entre chacun et les autres n'a évidemment rien d'un processus graduel de perfectionnement et d'accumulation. En fait, cette seconde version du génie a été reléguée à l'arrière-plan avant de ressurgir au XXe siècle dans la critique constructiviste de la notion de talent ou de génie. J'y reviendrai. Elle pousse à poser tranquillement cette question simple : comment peut-on, dans la version exclusive, élitiste du génie, minorer légitimement l'importance de la formation ? Sauf à souscrire à la version que j'ai appelée radicalement primitiviste, voilà, du Buffet si vous voulez, il paraît totalement absurde de supposer que les artistes ont d'autant plus de chances de devenir grands qu'ils sont moins formés ou que ceux qui se révèlent les plus grands partagent une caractéristique tout à fait étonnante, celle d'être des autodidactes très peu formés à leur art. Et pourtant, c'est ce qu'on pourrait tirer de la maximisation de la valeur d'originalité et de défiance à l'égard des règles dans la formulation de la théorie du génie. Comment est-ce qu'on peut s'y retrouver ? Puisque les individus appartiennent à un domaine, à un système d'organisation de profession, qu'ils ont reçu des formations, etc. L'argument peut en réalité être entendu en deux sens. On sait, par les enquêtes sur les carrières professionnelles dans les arts, que nous avons à faire, et je parle ici d'enquête aujourd'hui, en sociologue, qu'on mène sur les artistes, on est placé devant un paradoxe qui est très familier. Pour une large part, les artistes, quand ils sont professionnalisés, déclarent se livrer à un désapprentissage, ou du moins ils relativisent ouvertement l'importance de leur apprentissage initial. Quel que soit leur niveau de formation, et ceux qui ont le niveau le plus élevé ne sont pas les moins enclins à dévaloriser leur apprentissage. On trouve ça dans une célèbre enquête qui a été réalisée par Raymond Moulin et Jean-Claude Passeron sur les artistes plasticiens, une enquête très, très importante sur un échantillon considérable d'artistes plasticiens dans les années 80, qui est repris, dont les résultats sont repris dans un livre qu'elle a écrit qui s'appelle « L'artiste, l'institution et le marché ». Je l'avais moi-même identifié dans une enquête que nous avions menée sur la profession de comédien à la fin des années 90 auprès de 1000 comédiens soigneusement échantillonnés. Et le trait est constant. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une sorte de rationalisation a posteriori ? Je ne veux être que le fils de mes œuvres et surtout pas le fils d'une formation. Ce qui me pousse à la dénégation des acquis scolaires et ce qui me pousse en quelque sorte à souscrire à l'idée que l'art fait mauvais ménage avec quelque inculcation de règles que ce soit depuis que s'est imposée la norme de l'originalité dans la production artistique. Ou faut-il comprendre que sont en fait désignées ainsi des réalités qui sont difficilement accessibles à une sociologie habituée à raisonner dans le cas des métiers avec des relations simples et directes entre une formation qualifiante, une insertion professionnelle et des chances d'accomplissement professionnel. Autrement dit, ces métiers artistiques ou éventuellement scientifiques dérogeraient à des régularités qu'on connaît bien ailleurs. En fait, l'enseignement occupe une position tout à fait ambivalente dans la biographie des artistes. L'enseignement est tenu pour essentiel quand il s'agit de révéler plus ou moins précocement les talents d'un apprenti artiste, c'est dans les situations de formation qu'on les détecte, ces jeunes futurs talents ou génies éventuels. Mais il est ensuite tenu pour une quantité négligeable quand il faut en mesurer l'influence exacte sur la personnalité et la réussite de l'artiste. Alors, je vous cite ici deux exemples éloquents de ce raisonnement ambivalent. L'un est dû à un violoniste fameux, Nathan Milstein, qui donne ce texte dans la pochette d'un disque, d'ailleurs magnifique, d'un concerto de Brahms, qu'il a réalisé sur la fin de sa carrière. Il a eu une sorte d'été indien ou d'automne glorieux. Il a enregistré des œuvres magnifiques à plus de 60 ans, ou de 65 ans, même à 70 ans. Et ce disque en est issu, et on l'interroge, ou du moins il est prié de parler de l'influence de ses professeurs, et voilà ce qu'il dit. « On ne peut guère dire en toute certitude de qui on a reçu ce que l'on sait, du professeur, des condisciples, de ce qu'on a entendu. » Leopold Auer, qui était un célèbre pédagogue des violonistes, « exerçait une influence considérable sur moi, mais jamais il ne m'a imposé ses conceptions musicales, et c'est bien là l'essentiel pour un professeur, ne pas donner trop de directives. La technique violonistique n'est pas très difficile. Je la possède dès l'âge de 7 ans. » Bon, la vraie difficulté, c'est la musique elle-même. Ce sont les années d'une vie d'homme qui sont indispensables pour la maîtriser. Et la musique, on ne l'apprend pas chez un professeur. Il s'agit d'écouter, de jouer et d'accéder à une compréhension de plus en plus grande. Donc, vous voyez bien ce qu'on trouve ici. On trouve entrelacés tous les motifs qui font l'émerveillement et la perplexité du profane, par exemple moi, à l'égard de l'artiste. Précocité, distinction radicale entre maîtrise technique vite acquise par des gens talentueux et maîtrise artistique qui résulte d'une interminable maturation. Rôle ambivalent du professeur, qui est un personnage clé, mais dont l'importance et l'intelligence se mesurent à l'autolimitation délibérée qu'il a dans l'influence qu'il veut exercer sur son élève. Enfin, ce partage impossible entre les différentes composantes du savoir accumulé par l'artiste. On peut y voir une variante de l'argument de la dénégation de l'apprentissage qui peut conforter l'idéologie du don, qui est cette idéologie constitutive du culte de la génialité. Mais on peut aussi y lire l'expression d'une complexité réelle où la valeur cardinale d'autodétermination de l'artiste est mise en balance avec l'évidence de la dette contractée à l'égard de ceux qui partagent et transmettent des savoirs formateurs dont l'artiste devient le ou la dépositaire, quitte évidemment à les transfigurer par son art propre. Et j'ai placé ensuite une citation de Pierre Boulez, qui a été enseignant ici, qui a consacré notamment des cours fameux à la question de l'inachèvement de l'œuvre, qui est une des modalités de célébration du fait qu'un processus créateur peut être plus important que son résultat en régime d'originalité, qui est aussi en régime de prise de risque. Boulez écrit ceci. À partir d'un certain niveau, l'éducation est inutile. Donc tous les mots comptent à partir d'un certain niveau. Et c'est ce que j'ai redit plus tard aux élèves que j'ai eus pendant 3 ans à Bâle. Il a été professeur à Bâle pendant 3 ans. Et on m'en a parlé quand j'ai eu l'occasion d'en parler avec certains compositeurs. Il était assez redoutable. Pratiquement, on apprend en l'espace de 6 mois tout ce qu'on peut tirer de quelqu'un. Et même là, encore, c'est un processus lent. 1 semaine, quelquefois, suffit. Après cela, c'est le travail et les choix personnels qui finalement comptent le plus. Quand on a appris certaines choses du métier, il faut les prolonger. L'éducation ne peut se faire que par soi-même. J'aime les autodidactes par volonté, c'est-à-dire ceux qui ont la volonté d'en terminer avec les modèles qui ont existé avant eux. Mais ceux que j'appelle les autodidactes par hasard, les gens qui ignorent les choses, cela ne m'intéresse pas du tout. Cela ne se débarrasse jamais de leurs prédécesseurs. C'est assez éloquent. L'historien et collectionneur d'art Bernard Berenson dit, d'une certaine manière plus cursivement, « Le génie, c'est la capacité de réagir de façon productive contre sa formation. » Qui est exactement ce que décrit Boulez lui-même. Peut-être compris, évidemment, comme une formule de dépassement dialectique. Une phase de pleine appropriation des contenus enseignés et des techniques précède leur mise à distance critique et leur dépassement qui nie et conserve en même temps ce qu'on a acquis. Et il a pu conduire aussi à des formes simples de rejet des apprentissages conventionnels au motif qu'il s'agit d'autant d'entraves au libre épanouissement de l'ingénium individuel. L'histoire récente de la transformation des enseignements, par exemple dans les écoles des Beaux-Arts, et celle des Beaux-Arts de Paris en est un fameux exemple, va exactement dans ce sens. C'est la personnalité qui progressivement compte plus que l'apprentissage des règles à tous égards. Mais la structure logique de l'argument et de la situation qu'il caractérise est en fait plus complexe. Et on peut en donner... presque une analyse en revenant à ce qu'a écrit Emmanuel Kant précisément sur le génie. Je ne vais pas développer beaucoup, mais simplement dire que les analyses de Kant permettent d'éclairer les propos comme ceux de Milstein ou de Boulez ou de Berenson que j'ai cités à l'instant. En fait, ils permettent d'éclairer cette situation de « double bind » dans laquelle la transmission pédagogique est placée pour se conformer à la loi de l'originalité créatrice. Je vous rappelle que, selon Kant, le génie est une aptitude à produire sans règles déterminées, et ce qu'il produit ne peut donc pas être le fruit d'un apprentissage. Je cite, « La première règle doit être l'originalité. » Bon. Deuxièmement, pour distinguer sa production de réalisations qui peuvent être originales mais absurdes, il faut attribuer au génie la capacité de produire des œuvres qui doivent également, je cite, être des modèles, c'est-à-dire être exemplaires. Sans être elles-mêmes créées par imitation, elles doivent être proposées à l'imitation des autres, c'est-à-dire servir de critères ou de règles au jugement. Et quelles sont ces règles que le don naturel donne à l'artiste pour produire des œuvres données en exemple ? Je cite, « Aucune formule ne les exprimant, elles ne peuvent servir de précepte. Au contraire, la règle doit être abstraite de l'acte même, c'est-à-dire du produit auquel d'autres aiment à mesurer leur talent pour s'en faire un modèle, non pour l'imiter, mais pour en assumer l'héritage. » Toutes les positions son contenu ici. C'est donc la personnalité du créateur, son genius, pour employer le vocabulaire de Kant, qui doit constituer le pivot de cette situation paradoxale. En se mesurant à cette personnalité et à ses œuvres, un apprenti artiste peut comprendre et apprendre, c'est aussi une définition de l'individu charismatique ou du maître charismatique, un apprenti artiste peut comprendre et apprendre comment des règles dictées au génie, pour reprendre la formule de Kant, sont impossibles à énoncer et à transmettre, et comment elles servent uniquement d'exemple, sans servir de précepte imitable. Les déclarations de Milstein ou de Boulez ne disent strictement rien d'autre. Collège de France et France Culture vous présente le sociologue Pierre-Michel Menger, la question du talent dans les arts et les industries créatives. J'avais annoncé une deuxième interprétation de l'ambivalence de l'apprentissage. On peut la formuler ainsi. La capacité d'apprentissage, mais Boulez vient de dire à partir d'un certain niveau, donc vous réglez le niveau, la capacité d'apprentissage est un facteur normalement distribué entre ceux qui sont engagés dans des carrières artistiques ou scientifiques ou qui veulent s'y engager. Je veux dire, c'est une distribution normale au sens gaussien du terme. Il y a éventuellement des individus qui apprennent mal et d'autres qui apprennent très vite et très bien, mais l'essentiel se situe au centre. Et donc, dans la hiérarchie des facteurs responsables de la réussite, l'apprentissage est un facteur normal. Or, celui-ci n'agit jamais seul. Surtout s'il s'agit de produire plus qu'une compétence ou une technique bien maîtrisée, ce qui est exactement le cas dans les pratiques de création qui valorisent l'originalité. En réalité, l'apprentissage agit en interaction avec de multiples facteurs et le résultat de cette interaction crée des écarts de réussite qui sont sans rapport de proportion avec la distribution de chacune des qualités nécessaires. et donc sans rapport de proportion avec la distribution de ce critère ou de ce facteur qu'est la formation et la maîtrise technique d'un art. Donc nous avons affaire à une somme de caractéristiques, au premier rang desquelles on peut situer l'apprentissage, qui sont normalement distribuées pour des résultats qui sont anormalement distribués. Donc, on minore le facteur qui est normalement distribué puisqu'il ne peut pas produire par lui-même un résultat anormal. L'un des intérêts de la doctrine élaborée par les philosophes et essayistes que j'évoquais, notamment par Edward Young, c'est l'inspiration naturaliste de sa caractérisation de l'originalité. Au lieu d'une hiérarchie fixe des êtres, l'épistémé des Lumières et l'épistémé de l'ubiquité du changement et du développement ou du devenir. Toutes les théories du perfectionnement organiciste de la civilisation, sous la triple action de l'égalité, de la sociabilité, de l'estime réciproque et du partage des connaissances par l'éducation, toutes sont établies sur une philosophie du devenir et du progrès, dans une version pessimiste chez Rousseau ou dans une version optimiste chez les encyclopédistes. La conception même de la dynamique historique empruntera ces modèles à l'analogie organiciste et naturelle. Par exemple, celle que suggère la croissance organique des végétaux, on trouve ça chez Herder, ou celle que suggèrent les processus cycliques observés dans la nature. L'histoire devait, comme l'écrit Leonard Meyer dans un excellent livre appelé « Style and Music », l'histoire devait être sauvée de l'arbitraire et du hasard pour devenir l'étude du changement nécessaire dont l'évolution naturelle donne un modèle. Et la production d'une œuvre originale peut s'apparenter ainsi à un processus végétal. Elle naît spontanément de l'origine vitale du génie, de la racine vitale du génie. Elle croît, mais elle n'est pas fabriquée. Ce concept de développement quasi végétal du génie a inspiré ultérieurement, dans la philosophie romantique allemande, l'assimilation de la part la plus originale de l'activité de création à un processus inconscient. Au passage, il faut souligner que ce que contient de gradualiste et de continu ce modèle de changement qui est sollicité par cette métaphore naturelle et végétale de la transformation et du devenir des individus et des sociétés. Que le changement soit considéré comme une propriété intrinsèque de la nature et de la culture et qu'il puisse à ce titre être promu comme un idéal d'émancipation signifie aussi, à contrario, que ce modèle n'est pas disruptif, qu'il n'est pas ouvert aux révolutions ou aux ruptures radicales. Et le modèle de l'inégalité dans l'égalité, dont j'ai déjà parlé, suppose en effet que le changement puisse être graduel et lent, mais continu et orienté dans la bonne direction, par exemple l'abolition des inégalités de privilèges et de naissance. C'est un modèle qui est promu par une élite émancipatrice. On substitue des différences de degré, niveau de réussite et de richesse, à des différences de rang assignées et héritées pour définir la matrice d'une hiérarchisation légitimable. Et donc vous voyez aussi que la conception du génie autocréé et qui croît comme une plante correspond à cette propriété biface des notions qui qualifie la réussite, comme je l'ai déjà signalé dans mon troisième cours. Ces notions bifaces contestent l'ordre ancien, puisque c'est l'individu souverain qui est l'origine de la réussite, sous le principe d'une distribution des dons, ce qui revient d'ailleurs à désocialiser les inégalités de situation et à reléguer à l'arrière-plan tous les faits et les mécanismes de reproduction sociale qui opèrent en régime d'égalité simplement formelle. Ces conceptions proposent donc une théorie et une justification de nouvelles hiérarchies de valeurs et de réussites sur la base des mérites individuels et sur la base de facteurs puissants, énigmatiques et aléatoirement répartis dont la mise en œuvre est placée sous la responsabilité de l'individu. Le fait que le talent et le génie puissent être maniés comme des notions égalitaires est constitutif de toute situation d'inégalité dans l'égalité telle que la formulation en sera d'ailleurs reprise dans des termes assez différents, mais selon une inspiration voisine, au XIXe siècle. Je ne vais peut-être pas explorer beaucoup cet aspect-là, mais il y a un joli travail à mener, qui a été en partie mené par deux auteurs que j'aime beaucoup citer, César Grania dans un livre qui s'appelle « Bohémien versus bourgeois », consacré aux artistes au XIXe siècle. C'est un livre qui a été beaucoup utilisé, mais pas si souvent cité. Bon, pour des raisons qui sont fâcheuses. Un autre qui est de Paul Bénichoux, « Le sacre de l'écrivain », qui est plus récent, qui date des années 80 ou des années 70, je ne sais plus. Ces auteurs explorent l'ambivalence des artistes à l'égard des problèmes de démocratie et d'élitisme. Il faut être à la fois proche des masses, comme on dit à l'époque, et en même temps justifier qu'on en est éloigné, qu'on peut en être le guide, mais à bonne distance. Paul Bénichoux, dans son étude sur les écrivains et dans toute une trilogie, a mis en évidence cette ambivalence des engagements sociaux des écrivains et des artistes novateurs au XIXe siècle et toute la modulation de l'économie idéologique de la double négation. Ni modernité anti-individualiste, ni ralliement pur et simple aux masses. Et j'en viens à ma solution de déterminisme efficace, pour reprendre une des catégories que j'ai présentées tout à l'heure. La discussion autour de la valeur d'originalité que j'ai menée a fait apparaître trois éléments essentiels qui vont me servir à écarter le risque de paralysie explicative que comporte cette indétermination des valeurs de talent, de génie, d'originalité. Et je le ferai précisément en recourant à cette idée de déterminisme efficace. Je vous rappelle... Il s'agit d'opérer une distinction entre plusieurs niveaux de théorisation scientifique, le déterminisme valant pour l'un d'eux, mais tolérant le recours à des hypothèses non déterministes pour l'étude d'un autre niveau des phénomènes considérés. Alors, quels sont les trois éléments dont je vais parler? Premièrement, l'individualisation radicale du travail de création et d'invention, y compris l'individualisation des contributions à un travail collectif. Cette individualisation peut être traitée comme un modèle avant-coureur partout où la différence individuelle, dans tous les univers de travail, mais autres aussi, où la différence individuelle doit s'imposer contre la similitude. Deux, la conception du créateur comme causa sui, autofondation ou origine de soi, désigne un problème qui est posé exactement à ce déterminisme efficace que je convoque, l'activité créatrice et la réussite demeurant sans explication causale complète, convaincante, une fois examinés et contrôlés tous les facteurs habituels d'explication qui valent dans l'analyse des réussites professionnelles, faut-il aller vers des solutions radicalement inverses d'une théorie individualiste? Faut-il aller vers la solution de resocialisation radicale du génie en faisant du Condillac ou du Helvétius +? 3. L'impératif d'originalité désigne une variabilité accrue du travail artistique. Ça, c'est un point sur lequel j'insisterai beaucoup. Il faut se différencier d'autrui et ne pas se répéter. Donc, il faut se différencier d'autrui et, deuxièmement, ne pas se répéter. Je vous rappelle que l'auto-empreinte est une pratique qui était très fréquente et qui a progressivement été considérée comme fâcheuse. Donc l'artiste doit travailler à se renouveler, mais les processus de travail sont eux-mêmes extrêmement variables quand on travaille au projet, notamment une formule qui est maximisée par le régime de travail sous la loi de l'originalité. Et dès lors, le processus de travail, avec sa variabilité, peut être présenté comme ayant autant d'importance que le produit final pour juger de la valeur possible des choix d'un ou d'une artiste. Je vais examiner ces trois aspects successivement. Le premier, le comble de l'individualisation. Il s'agit de célébrer la réussite la plus élevée dans des univers qui valorisent la performance imputable à des individus. Alors, j'ai pour l'instant fixé mon analyse sur le monde des arts, mais il suffit de déverrouiller l'imputation de génie en levant ce monopole de fait dont disposaient les arts et les sciences pour opérer une diffusion de cette notion selon deux tendances, la démocratisation du génie ou la version inclusive du génie, et l'autre tendance, c'est la généralisation à tous les domaines de l'imputation de valeurs exceptionnelles qui est ainsi nommée. À la fin de son enquête sur la notion de génie et sur l'histoire de cette notion, l'historien Darren McMahon note l'inflation du vocabulaire du génie au XXe siècle et le développement de tout un marché de livres, de conseils, de préceptes éducatifs, de préceptes auto-éducatifs, éveillés ou réveillés en vous le génie qui sommeille. C'est une littérature qui fleurit aux États-Unis notamment, où la méritocratie du talent est couplée à la motivation qui est la seule religion partagée dans un pays des opportunités, c'est compter sur votre mérite et votre effort et activer en vous la créativité qui vous permettra de vous libérer des pesanteurs sociales. Et donc le génie finit par être partout, dans les affaires, dans le sport, dans les industries du divertissement, chez les innovateurs. Steve Jobs est un génie. Et McMahon cite toutes sortes d'ouvrages pour étayer cette hypothèse d'inflation. « How to be a genius, your brain and how to train it ». Donc ça, c'est la version intellectualiste du génie. C'est l'intelligence qui compte avant tout. Ou bien « Ignite the genius within », c'est « Allumer le génie en vous ». Ou bien « Les étincelles du génie », les 13 outils de pensée qui sont utilisés par les gens les plus créatifs dans le monde. Et pour finir, « The genius in all of us », le génie est en nous tous. Ça, c'est une forme de démocratisation radicale de l'idée de génie. En fait, McMahon, ici, ne fait que reprendre un registre ironique et critique des arguments qui sont présents tout au long du XXe siècle. Dans « L'homme sans qualité » de Robert Musil, un roman absolument fascinant qui est paru entre 1930 et 1932 et qui est resté inachevé, le héros Ulrich s'étonne qu'un brillant cheval de course puisse être qualifié de génial. Ce qui pourrait symétriquement, dit-il, conduire à ne pas s'étonner qu'on parle à l'avenir d'un exploit ou d'un record à propos d'une découverte scientifique géniale. Donc le savant devient un cheval et le cheval devient un génie. Donc ici, l'imputation de génie n'équivaut guère plus qu'à une exagération publicitaire de l'originalité frappante selon l'écrivain, mais elle est nourrie par, évidemment, l'énigme autour des facteurs qui créent la réussite et la réussite exceptionnelle. Dans un livre qui s'appelle « The Economy of Prestige, Prizes, Awards and the Circulation of Cultural Value », James English, c'est un livre de 2005, a dénombré les prix littéraires qui sont décernés aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Et il a mesuré l'évolution du nombre de ces prix. Et il a rapporté le nombre des prix au nombre de nouveaux titres publiés chaque année, exprimés en un indice. Eh bien, la valeur de cet indice, donc le rapport entre le nombre de prix et le nombre d'ouvrages publiés, la valeur de cet indice a été multipliée par 10 depuis les années 1920. Autrement dit, on a attribué de plus en plus de prix à une vitesse qui augmentait beaucoup plus rapidement que la variété de la production publiée. Donc, le signalement de la valeur et de la valeur des écrivains et de leurs livres, tels qu'ils sont donnés à admirer et à consommer, a donc augmenté 10 fois plus vite que la diversité de la production littéraire. Alors, on pourrait dire, on peut donner en quelque sorte à plus de concurrents une chance d'accéder à la visibilité et une chance de trouver un public. Donc, l'allocation inflationniste de célébrité, qui ne peut se convertir en une carrière durable et durablement admirée qu'une fois identifiée à un mérite, qui sera le juge de paix, paraît pouvoir incarner une sorte de jeu à somme positive, puisqu'elle conduit les gens à s'enflammer pour un plus grand nombre d'artistes ou d'écrivains, et elle conduit les professionnels à inventer des distinctions et des célébrations du talent ou du génie de toutes sortes. Mais ce que soulignent les critiques, comme celle de Musil, par exemple, et d'autres, c'est qu'il risque bien d'y avoir une sorte d'affaiblissement entre la célébrité et le mérite artistique. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, autrement dit, d'accorder par inflation des qualités à un nombre beaucoup plus grand de gens sans vérifier qu'ils en ont effectivement les mérites? Ce sera une bonne nouvelle pour un adepte de la démocratisation de l'admiration. Si la mobilité des réputations interdit en quelque sorte à quiconque de dominer longuement une scène artistique et d'y bénéficier d'une rente de réputation exorbitante. C'est une revendication régulière des jeunes artistes candidats à la réussite. Faites-nous une place et que les artistes réputés n'occupent pas tout le terrain. Mais alors, il faudra vérifier aussi si l'intensification de la compétition qui mettrait à mal ces rentes de réputation ne risque pas de favoriser des productions qui correspondent mieux aux exigences d'un marché culturel de masse à vitesse de rotation rapide. Autrement dit, si l'effet recherché ne transforme pas le jeu de la compétition. On substitue une compétition de marché par la variété, l'économie de la variété rapidement exploitée, à une économie de la carrière durable, longue et des mérites lentement accumulés. Et donc, de fait, ça peut devenir aussi une très mauvaise nouvelle pour ceux qui sont les tenants d'une conception méritocratique de la réussite, puisque des marchés à potentiel de profit, y compris de profit réputationnel immédiat, tendraient à imposer leur modèle et à formater la production pour l'orienter vers le divertissement aisément consommable. C'est un argument qui est régulièrement émis pour critiquer l'adoption des star systems, y compris dans les arts savants, ceux qui font les cotes faramineuses de peintres comme Damien Hirst dans les années 90 ou aujourd'hui Jeff Koons. Et c'est certainement au nom de ce genre d'hypothèse que Daniel Bell, dans son analyse des contradictions culturelles du capitalisme, évoque ironiquement la démocratisation du génie en diagnostiquant que le triomphe du nihilisme avant-gardiste dans les arts plastiques a, selon lui, substitué dans les préférences, et je cite ici, dans les préférences et les comportements des publics et des critiques, le feu de l'émotion à l'exercice du jugement esthétique et a transformé le critique en, je cite, portier de discothèque. Il faut un peu d'humeur dans ces affaires. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 17 février 2017, Pierre-Michel Minguer, la question du talent dans les arts et les industries créatives. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre-Michel Minguer. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard en 2014 sous le titre « La différence, la concurrence et la disproportion, sociologie du travail créateur ». Et la même année a été édité en poche, en point seuil, son ouvrage majeur « Le travail créateur, s'accomplir dans l'incertain ». Et plus récemment, il a dirigé avec Simon Paille aux éditions du Collège de France « Big Data et traçabilité numérique, les sciences sociales face à la quantification massive des individus ». Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons notre enquête autour de la notion du talent et du génie dans les arts et les industries créatives et il sera question des controverses. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.